À l'occasion du 42e anniversaire de la fondation de l'ASEAN, Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, son comité en Corée a organisé le 8 courant un banquet. Y ont pris part les officiels du ministère coréen des Affaires étrangères, l'ambassadeur malaisien Mohamed Mizan bin Mohamed, président du comité de l'ASEAN en Corée, l'ambassadeur laotien Pankam Intabwari, l'ambassadeur indonésien Bambang Hindurasto, l'ambassadeur vietnamien Pan Biet Hung et l'ambassadeur cambodgien Opsi Sawada.